sais ce que je pensais, répliqua le Brésilien, puisque j'ai vendu toutes mes terres et tout ce que je possédais à Rio de Janeiro pour venir retrouver Madame Marneffe. On ne fait pas ces voyages-là pour rien, dit Madame Nourrisson. Vous avez le droit d'être aimé pour vous-même, étant surtout très beau. Oh, il est beau, dit-elle à Carabine. Très beau, plus beau que le postillon de Longjumeau, répondit la Lorette. Cydalise prit la main du Brésilien, qui se débarrassa d'elle le plus honnêtement possible. J'étais revenu pour enlever Madame Marneffe, reprit le Brésilien en reprenant son argumentation. Et vous ne savez pas pourquoi j'ai mis 3 ans à revenir. Non, sauvage, dit Carabine. Eh bien, elle m'avait tant dit qu'elle voulait vivre avec moi, seule dans un désert. Ce n'est plus un sauvage, dit Carabine en partant d'un éclat de rire. Il est de la tribu des jobards civilisés. Elle me l'avait tant dit, reprit le baron, insensible aux railleries de la Lorette, que j'ai fait arranger une habitation délicieuse au centre de cette immense propriété. Je reviens en France chercher Valérie, et la nuit où je l'ai revue. Revue et décent, dit Carabine. Je retiens le mot.